émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Islem. Passez une bonne soirée, bienvenue dans le Planète Rap consacré à Islem entre 20h et 21h. J'étais obligé de remettre de l'ordre pour rien vous cacher juste avant de débuter cette émission. Parce que ça y est, forcément on est dépassé. Hein. Moi j'étais avec Dany Sainté, on est dépassé là. Là, vous êtes venus en nombre. Hein. On est venus très nombreux, la famille, les amis, voilà. Non, voilà, c'est chaleureux. Et beaucoup de filles. Beaucoup de filles, parce qu'on va passer les morceaux principalement féminins de l'album ce soir. Comment ça va, Islem? Ça va très très bien. Je t'ai pas demandé en pleine forme. Non, là, plus qu'hier en tout cas. C'est vrai? Ouais. Et toi, ça va ou quoi? Bah, moi aussi pareil, plus qu'hier. Mais en dessous de demain. Tu vas voir demain, alors là. Ah ouais. Et je te parle même pas de vendredi soir. Non, faut garder la pêche un peu pour le planète. Demain, il y a une grosse soirée qui nous attend aussi. Grosse soirée à pas louper. Islem, notre invité entre 20h et 21h. C'est sur Skyrock, évidemment. Vos messages avec le hashtag Islem sur Skyrock. Allez-y, vous balancez votre message. N'hésitez pas. 41 759, et le hashtag, j'ai dit, ouais, c'est Islem sur Skyrock. Est-ce qu'on se ferait, juste avant de présenter les invités de ce soir, un petit récapitulatif d'hier? Tu n'as pas envie de réécouter ce qui s'est passé hier? Je peux écouter ce qui s'est passé hier, on a fait avec le temps. Et oublie-moi en live avec mon petit cousin sur les genoux. On a eu Black M par téléphone aussi, qu'on salue. Black M par téléphone aussi. Il y avait Dany Sainté et Scred aussi. On a présenté les prods à Scred. On a fait des big up à Felipe, à Ness. Voilà, non, franchement, si vous allez regarder la vidéo, c'était lourd. Bah tiens, réécoutez aussi ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, c'est parti. Tu m'as dérobé mon cœur et mes pensées. Rends-moi un peu de ma liberté, va-t'en. Si seulement j'étais tombée dans tes bras. Voilà, c'était beau, c'était hier soir en live dans l'émission avec Islem entre 20 et 21. Et ce soir, il y aura encore du live ou pas, rassure-moi? Il y aura du live typiquement féminin ce soir. Bon, alors, est-ce que tu veux présenter tes copines? Je vais présenter mes copines. Bah, à ma droite, Linda ouais. Sherazade. Yeah. Ça va, Linda? Ça va, et toi? En pleine forme? Ça va, toujours. Bon, même génération, un petit peu? Même âge, même génération. Voilà. Même envie de faire de la musique? Exactement. Même passion? On partage tout, tu vois. Vous partagez tout? Ouais. On a vécu la même époque musicale aussi, donc même style musical, il y a vraiment tout en commun. Et puis alors à tes côtés, on continue le tour de table? Une grande dame à mes côtés, Kaina Samet. Wow. Oui, j'allais dire, maintenant c'est une grande dame. T'es la doyenne. Bon, écoute, bon, regarde pas comme ça, c'est gentil, doyenne. Non, c'est mais bien, carrément, c'est... grande dame, c'est une non, belle mais dans enfant. Le sens musical. Dans le sens, c'est quelqu'un que, c'est que t'as écouté? T'as beaucoup écouté? Ouais, vachement. Du coup, un honneur de la recevoir ce soir en Planète Rap. Kaina Samet qui est là avec nous. Exactement. Salut. Ça va? À côté. Yes. À côté de Kaina, la grande sœur de l'album. Ouais. Hawa Imani qu'on retrouve sur le featuring de Grande Sœur. Yes. Bonsoir. Ça va, Hawa? Ouais, ça va, et toi? Bah écoute, en pleine forme, moi je suis bien. Hein. Bah moi aussi, très content d'être là ce soir. Je pense qu'on va passer une bonne soirée avec ouais, vous. Ouais, je pense, ouais. Normalement, ouais. Normalement, tout devrait bien se passer. Ouais. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bon, on va parler un petit peu avec tout le monde dans un instant. On va continuer à découvrir cet album qui est sorti lundi, qui est dans les bacs, qu'on peut aussi commander légalement, aller cliquer. Voilà, aller cliquer, aller acheter à la FNAC, sur Internet, c'est dispo enfin. Et puis on va saluer aussi Scred et Dany Sainté qui sont là comme chaque soir. Évidemment, messieurs. Salut, salut, ça va ou quoi? Ça va et toi, Dany? Ça va, au calme. Hein. Scred? Ouais, je suis là, je suis là. Ça va? Ouais, ouais, il y a Aurel aussi qui arrive là. Waouh! Il est en train de monter les escaliers, je pense. Eh ben on l'attend avec impatience dans le Planète Rap entre 20h et 21h et on débute avec Petit Bateau. On débute avec Petit Bateau, c'est parti. Allez, c'est parti sur Skyrock. Petit Bateau, Islem, notre invité toute la semaine. Petit bateau qui a échoué dans mon cœur, il laisse un sentiment de peur. Petit bateau. Petit bateau, voyez. petit bateau. Tu croiseras des sirènes, ne te jette pas à l'eau, elles ont du vice, méfie-toi d'elles. Où ça nous mène, c'est en effet le nom de cet album d'Islem, le premier album d'Islem qui a débarqué lundi dans les bacs. Et ce soir avec plein de monde qui nous a rejoint, on l'a dit, Yalinda Sherazade qui est là, Kaina Samet qui est là, Waimani. Un autre invité qui vient de se glisser autour de la table de Planète Rap. Aurel San nous a rejoint ce soir. Bonjour tout le monde. Qui est présent aussi sur l'album. Qui est présent dans l'album, dans le featuring Accélère. Le titre, ouais, c'est Accélère. Exactement. On va écouter content durant la soirée. En même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu une connexion familiale. Ouais, c'est le label, c'est la famille. Ouais, ce soir, il n'y a que la famille là. C'est le label, c'est ton label aussi Seventh Magnitude. Voilà, le label où on retrouve aussi. Et, donc, une connexion avec Aurel San, bien sympa, c'est un mec sympa. Sympa, ben, Aurel, moi je me rappelle, il m'a accueilli chez lui à Caen pour poser mes premiers morceaux d'album. Je m'en rappelle comme si c'était hier, chaleureux, accueillant, de bons conseils, franchement. Il paraît qu'il fait bien la bouffe et tout. Ouais, non, ça va. Bon, disons qu'il savait où commander. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, il a des bons plans. Il a des bons numéros, quoi. Exactement. Ouais. Bon, ça va ? Ça fait super longtemps qu'on se connaît avec Islem. Bah oui, en fait. Ça, tu l'as vu grandir aussi ? Bah ouais. Depuis comme Dany Sainté. Dany, je l'ai pas vu depuis 6 mois, j'ai l'impression qu'il a grandi. C'est un petit peu la même équipe. Quand tu vois Dany, il y a Islem, et pareil, quand il y a Islem, il y a Dany aussi. La première fois où je les ai rencontrés, enfin, Scred, il a dû raconter l'histoire parce que j'étais. Mais raconte-le nous, parce que Scred, comme il est très Scred, parfois il oublie des trucs. Mais il a disparu, Scred, il est plus là. Oui, c'était on bossait. On a réussi à s'en débarrasser. Il se fond, Scred, c'est un fantôme, il peut disparaître. Et du coup, on bossait sur le premier album de Nesbill, La Mélodie des Briques. Mmh. Et du coup, Ness nous avait dit, ouais, il y a une chanteuse qui déchire avec un pote à elle qui joue du piano. Et il faut à tout prix que vous voyez ça. Et donc, du coup, on y avait été, quoi. Enfin, moi, je suis pas producteur, mais Scred et Ablai étaient partis là-bas. Et je les avais accompagnés. Et on est arrivé dans, c'était une MJC, en fait. Ouais, voilà. Une salle d'une MJC de du 9-4, de Villiers. Et du coup, on a direct, je sais pas, c'était émouvant quoi. Ils étaient tout petits, ils avaient, les dossiers, ils avaient des boutons. Et les gars sont même pas posé la question, ils se sont dit faut qu'on fasse quelque chose quoi. Et du coup, sortir un album, etc. Le temps d'arriver à maturité, ça prend un peu de temps. Je suis méga content de voir qu'il y a un planète rap, que l'album. Donc tu les as vus grandir. T'as écouté aussi les morceaux de l'album, je suppose. Ah oui, bien sûr. J'étais au studio quoi. Donc je suis vachement content. T'es surpris un peu justement par l'ampleur que ça a pu prendre entre les deux, parce que parfois on entend des trucs, c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent te paraître bien, et la façon dont ça évolue, déjà, enfin, je veux dire, les morceaux ils sont mortels, mais ça j'avais pas vraiment de doute, parce que je sais qu'il y avait un potentiel de ouf au départ, et même la première fois qu'elle était venue au Planète Rap de Ness, où elle chantait avec sa petite canette là, et la vidéo elle a fait genre c'est fou cette vidéo, elle a marqué tellement de gens. Ouais. Et donc j'avais pas trop de doute, et là où je suis super content, c'est de voir que le projet il est encore là et tout, et c'est difficile d'arriver à finir un truc, et je sais pas, l'album il déchire, et je suis assez fier d'être quelque part là-dedans quoi. Bon, vous avez fait un morceau qui s'appelle Accélère, voilà, avec Aurel, qu'on découvrira peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure, on va le passer. On va le découvrir dans quelques minutes. Il y a Awa aussi qui est sur l'album. Tout à fait. Awa Imani qu'on retrouve avec un live que vous ferez aussi tout à l'heure, c'est ça le morceau Grande Sœur. Grande Sœur en live. C'est ça, vous avez un peu rapport, toi t'es la frangine, un peu la grande frangine. Ça fait quand même un moment qu'on se connaît, donc on s'est rencontré à une scène, je crois. Il y a super longtemps. C'était la journée de la femme, une scène en banlieue parisienne. Et on s'est croisés comme ça, j'ai écouté ce qu'elle faisait. Et je l'ai gardé en tête. D'abord, Grande Sœur, on cherchait d'abord le featuring et tout. Puis d'un coup, hop, tu vois. Et on lui a demandé, elle était au pied direct, le feeling, elle est venue en studio. Elle a bouclé son truc en moins d'une après-midi, c'était opérationnel. Voilà. Non, mais j'ai vraiment bien aimé le moment. Et pour moi, je pouvais pas refuser en fait. Vu que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, que ce soit humainement parlant et même artistiquement parlant. Donc pour moi, c'était un oui direct quoi. Et je suis très contente du morceau. Moi aussi, je suis très contente. Bon, vous nous le ferons en live tout à l'heure. Ouais. Bon, et puis il y a Kaina et Linda, et par contre, ils sont pas sur l'album. Ils sont pas sur l'album, mais disons que c'est des invités de cœur, parce que Linda, c'est une copine à moi, voilà, on kiffe ensemble, on fait de la musique toutes les deux, on aime les mêmes choses, on rigole bien. Puis Kaina, c'est une femme que j'ai beaucoup écoutée et que j'écoute toujours actuellement, du coup, voilà quoi. T'as écouté son dernier morceau à Kaina qui vient d'arriver ? J'ai écouté, Bousillé. Mmh. Allez cliquer, découvrez, c'est super lourd. Avec un album, c'est bientôt l'album là ? Ouais, c'est bientôt, c'est le 16 juin, ouais. C'est le 16 juin, ça approche ? Ouais, ça approche, hein. Bon, ça va, t'es contente ? Ouais, franchement, super contente d'être là déjà ce soir, puisque c'est voilà, les premiers mots qu'on entend. Ça me touche d'être là parce que je me vois en Islam, et voilà, moi aussi, quand j'entends les mots MJC, ça te parle ? Carrément. Mmh. C'est quelqu'un qui est passionné, et voilà, elle a su briller dans les yeux de ceux qui l'ont côtoyé par son authenticité, sa pureté, et je trouve que c'est beau. Je pense beaucoup à Wallen quand j'écoute Islam. Mmh. C'est pas pour faire un raccourci ou une comparaison, tu vois, primaire, mais on retrouve les mêmes caractéristiques et ce que j'aimais aussi chez Wallen. Donc je suis ravie d'être là et je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite, et elle le sait, donc c'est cool. Wallen, c'est important, c'est quelqu'un aussi d'important pour toi dans la musique. Pour nous toutes, je pense que Wallen, elle a vraiment apporté une touch à un moment donné. Elle a su donner un côté quinri à sa musique, et voilà, sa musique est intemporelle. Mmh. C'est une référence, carrément. Mmh. Ouais. Pour toi aussi, Linda ? Ah bah, absolument. Ouais. Toujours. Vraiment, Wallen, c'est... Et même pour nous. C'est ce que j'allais dire, ouais. Quand j'écoute Castor Flotteur, je me dis, merde, ça ressemble vachement à Wallen, quoi. Il faut vachement faire la différence entre la musique qu'on fait et la musique qu'on aime. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours écouté beaucoup de R&B. Évidemment, je fais pas du R&B, tu vois. Et même, j'ai un peu... Quoique... Pas forcément le R&B. Quoique, il y a... Mais c'est pour ça aussi que je suis vachement content. C'est rare que je fasse du crossover... Je crois que j'ai presque jamais chanté avec une chanteuse à part Islam. Ouais. Et donc du coup, c'est un kiff quoi de pouvoir faire autre chose que ce que t'as l'habitude. Grave de pouvoir faire ça. Ouais. Carrément. Et puis évidemment tous les gars écoutaient Wallen, et tout le monde va dire j'aime pas trop le R&B, mais Wallen. Ouais, voilà. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Bon, bah, donc, maintenant, gros peut-être, big up à Wallen. Peut-être qu'on pourra dire ça aussi maintenant pour toi. Bah, c'est ce qu'on te souhaite aussi. Hein. Merci. Ouais, merci beaucoup. Qu'il y ait une petite génération qui arrive en disant Islem. Bah ouais. Ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. J'espère. Rendez-vous dans une dizaine d'années. Le son de Skyrock, maintenant, qu'est-ce qu'on balance, Islem? Un extrait d'album? On va balancer le morceau avec Orelsan. Eh bah, Accélère. Très bien. Accélère? Ouais. Petite anecdote, petite histoire à raconter sur Accélère? Il m'a aidé à écrire le texte légèrement. Parce que c'était un texte que j'ai écrit à 14 ans. Il y avait des mots un petit peu enfantins, le côté un petit peu vraiment gamin. Du coup, il a petit tour de magie avec son stylo et voilà. Ouais, et ça fait assez longtemps qu'on a fait Accélère. Ouais. Et j'étais content parce que Dany et moi, on était en tournée ensemble. Mmh. Et j'ai jamais vraiment posé sur une prod de Dany. Et c'était la première fois où je posais sur une prod. Et je me rappelle quand il écoutait, j'étais là, alors t'en as pensé quoi? Ça va et tout. C'était le début où j'ai essayé de faire des flows un peu rapides et tout. Mmh. Et donc du coup, je suis content que. Et bon, on va l'écouter maintenant. C'est la prod donc de Dany. C'est ça, Accélère? Oui. T'as pas de Scred? Non. Vous êtes sûr? Scred toujours partout dans les arrangements. Et pas dans un arrangement, un truc? Je ne sais pas. Je suis seul. Je suis vraiment seul. Alors on l'écoute maintenant sur Skyrock Accélère avec Orelsan. C'est sur l'album Dislem. Mais c'est dans les bacs. Autour de moi que des drames, la vie s'acharne, le temps défile, tu sais, et je m'y perds. Je sais plus où je vais, je me promène sur l'autoroute de la vie. Pas d'objectif, j'essaie de fuir l'ennui. Rêve de foncer, de tout défoncer. Les gens m'enfoncent, mais je ne perds pas confiance, non. J'ai comme besoin de mettre un gros coup d'accélérateur. Accélère, accélère. Et puis même quand on n'a rien dans les poches, je m'en fous, je m'accroche. Dessus du vide. Pas le temps de pioncer, moi j'ai besoin de foncer. Je veux de l'adrénaline. Personne me freiner. Je veux tout tenter au risque de me tromper. Quand on n'a rien dans les poches, on s'en fout, on s'accroche. Pas le temps de pioncer, j'ai besoin de foncer. J'ai besoin de foncer. Pas le temps de courir après les gens. Je ne suis pas la bande, j'ai trop donné le temps. Génération pressée court après le danger. Noyer sa souffrance, noyer sa souffrance, pour noyer sa souffrance. On cherche à faire rentrer des minutes dans les secondes. Les jours sont trop courts, le souffle est trop précieux pour crier au secours. Parfois la fuite est la meilleure solution, je passe mon tour. Je porte pas de bling au cas où je dois prendre mes jambes à mon cou. Faut que je fasse mon trou avant que celui qu'on préserve soit fini de creuser. Donc j'accélère pour après la gloire, essayer de faire partie des premiers. Poursuivi par les regrets, si tu restes immobile c'est crevé. Plus le temps d'endormir, je passe une vitesse de plus quand je regarde le soleil. Mais je n'ai pas le temps de courir après les gens. Je ne suis pas avant, j'ai trop donné mon temps. Génération pressée court après le danger pour noyer sa souffrance. Noyer sa souffrance pour noyer sa souffrance. À l'instant, extrait de l'album d'Islem dans les bacs, ce morceau qui s'appelle Accélère avec Orelsan qui est là aussi. Content de le réécouter, Aurel? Non. Carrément, j'entends que les défauts de mon couplet. Mais... le mec s'est dit putain, j'entendrai bien en studio. Non, le morceau est mortel, c'est ce qu'on disait. La, la, la, je sais pas, il y a une atmosphère. Il y a une lourdeur. Moi, je le découvre. Et franchement, la prof, elle est la, ouais, la prof. La prof. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un peu. J'allais dire la prof. Kaina, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. La prod est lourde. Et Islem, voilà, ça fait. Franchement, il est lourd. Bravo, vraiment, c'est un gros morceau. Et ben, on peut le retrouver sur l'album d'Islem avec nous ce soir dans le studio avec nous. Il y a Orelsan, vous l'avez entendu aussi sur le morceau Aweyman, Kaina, Samet, Yalinda et. Une invitée qui s'est ajoutée. Et on va essayer de lui trouver un siège parce qu'en même temps il y a un peu de monde dans le studio. Mais bienvenue à Ami qui est là avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Ça va? Très bien. En pleine forme? En pleine forme. Bon, venu faire un petit coucou à la princesse. C'est ce que je pense d'elle. Je merci. Soutenir. C'est vrai? 9-4. Ouais, bah 9-4, pareil. Ouais. En famille, voilà, encore une fois en famille. Du coup, ouais, très contente qu'elle soit là. Et Ami, c'est quelqu'un, je me souviendrai toujours, on était à la même scène en banlieue parisienne avec Awa. Ouais. Et Ami, c'est pas Sergi? Ouais, je sais plus, c'était la journée de la femme en tout cas. C'était à la Courneuve. C'était à la Courneuve. Ah bah, en 2000 voyage. Ahmed, ils nous avaient invités. C'était en 2010 à la Courneuve. Ami, je me lavais les mains. Ami, elle est sortie de nulle part. On ne se connaissait pas. Elle m'a boostée. Mais je me rappelle comme si c'était hier. Elle m'a parlé. J'étais limite émue. J'avais les larmes aux yeux quand elle me parlait. Ça ne s'est pas vu. Mais franchement, elle m'a beaucoup touchée. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce que toi, tu la connaissais, t'avais entendu sa voix aussi, c'est ça? Ouais, je l'avais découvert via Nesville. Et puis Dani aussi. Je connais depuis très très très longtemps. On bosse ensemble depuis 2007 avec Très très très longtemps. C'est lui qui a fait mes premiers sons. Et je lui disais, tu vas aller loin. Je me rappelle, je lui disais, tu vas aller loin, Inch'Allah. Et très super plaisir. Talentueux. J'allais chez lui à. C'est où vous habitez? À Villiers. Voilà. À Villiers. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai vu qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. Non, et puis on voit en plus, alors Ami, je la connais pas non plus énormément, on s'est côtoyé, on s'est vu 2-3 fois dans les planètes, mais c'est en tout cas quand tu dis un truc, on sent vraiment qu'on s'est sincère ou pas, quoi. Ça se voit dans ton regard, et c'est vrai que là, le regard est lumineux, et voilà, il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, Non, Islem, c'est du lourd. Ça fait d'autant plus plaisir, ça vient du 9-4. On est un peu chauvin, c'est ça. Ok, on va jouer les chauvins alors. Tiens, en parlant chauvin, tiens, les filles, je sais que vous êtes intéressées, il y a le PSG qui joue, on en est où? Ah, le PSG? 0-0 toujours, face à Evian. Oh, mais on va gagner, ça, c'est sûr. Sûr. Ah, il y a quand même supportrice. Ah, je suis une PSGienne, hein, pour de vrai. Hein. PSGienne, ah oui. Ah, but pour Paris à l'instant même, voilà, regarde. Ah ouais, il fallait que tu portes chance à l'équipe de Paris. Exact, sans pression. 1-0, sans négliger Paris à l'instant. Et en plus, on est à la fin, là, il reste 2 minutes, c'est ça? Il reste quoi? Il reste rien. Il reste 1 minute, voilà, PSG, Evian 1-0. Pour nos amis lyonnais, ça dit quoi? On a le 0-0, Lyon face à. Face à Toulouse aussi, 0-0, Lyon face à Toulouse, voilà. Ça vous a plu les filles, un peu de foot? Ouais, pas de soucis, c'était la minute foot. Hein, Kaina? Ça t'a plu un peu de foot? Donc le prochain morceau... Le prochain morceau, on va mettre... Alors, est-ce qu'on met le morceau qui a été le plus demandé ou pas par les auditeurs de Skyrock sur les pages où tu veux passer un autre morceau? Alors le résultat aujourd'hui, c'est qu'une histoire. On nous a beaucoup beaucoup demandé extrait d'album Moussa Noumen. Étant donné qu'on va faire une petite trilogie, eh ben, on commence d'abord par Oublie-moi. Parce que je vais parler de la trilogie dans mon album. Il y a 3 chansons d'amour, disons que c'est les 3 étapes d'une relation amoureuse. Donc si on peut les faire dans l'ordre, ça serait cool. Donc alors, dans l'ordre. Oublie-moi. Après... Le deuxième, c'est Grande Sœur qu'on va faire en live. Et après, qu'une histoire. Mais le Grande Sœur, on va le faire en live en dernier, du coup. Donc, alors, ah ouais, ça va être le bordel dans la trilogie. on peut l'écouter en ordre quand on prend l'album. Vous écoutez l'album, c'est dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Bon, là, ce soir, ça va être un petit peu décalé. Ouais. Mais sur l'album, vous l'avez dans l'ordre. Donc, Oublie-moi dans un instant. Ouais. Après, qu'une histoire que. Voilà. Non, ça, c'est le troisième, pardon. Après, non, c'est ça, on va faire Oublie-moi. Après, on va faire qu'une histoire, qui est la troisième étape. Qui est la troisième étape. Et Grande Sœur, voilà. Mais qui devrait être en deuxième position. Exactement. C'est bon. C'est des maths. Bon, au-dessus de 3, tu sais, c'est un peu compliqué. Bon, allez, on revient dans un instant. Bougez pas. On vous attend. J'ai pas posé aussi la petite question pour repartir comme chaque soir avec l'album dédicacé d'Islem. Simple encore, hein, j'ai envie de dire. On en a parlé il y a quelques minutes. Comment s'appelle le label d'Islem? Où est signé aussi Aurel? Aurel San. Et Dani aussi, Scred. Scred, c'est un petit peu le producteur du label, du coup, ouais, on ne peut pas l'oublier. Quel est le nom de ce label? Allez-y avec le 41759, avec le hashtag Islem sur Skyrock. Vous avez la bonne réponse, vous repartez avec l'album dédicacé et nous on revient après ça. Islem a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Maman interrogée, de m'inquiéter. T'as l'air où t'étais, avec qui que tu faisais. Tu sais bien que t'es pas honnête, t'es pas fidèle. Toujours à draguer, à ignorer les faits. Je peux plus rester sans rien faire, sans réagir.

sur tous les réseaux sociaux et le son en téléchargement légal. Donc, Il s'appelle Night in Paris. Night in Paris. Donc allez le visionner. Je veux avoir vos commentaires, justement. Vas-y, Miami. Je dis, va voir le clip, il est lourd, c'est dans Paris, c'est un peu style Ciara, c'est Quinri. C'est Quinri, c'est lourd, mais c'est Awa. C'est Quinri, c'est Awa de chez nous, de Parisienne. De Paris, exactement. C'est la French Touch, on va dire. Made in Paris. On va les découvrir et cliquer là-dessus pour retrouver Night in Paris de Awa Imani qui est là avec nous et vous ferez le morceau en live dans un instant. Exactement. Grande sœur, juste avant, je vous présente par téléphone Frimo de Clichy. Allô Frimo. Ouais, frère, ça va quoi? Ça va et toi? Ok, et toi? En pleine forme à Clichy? Ouais, la forme toujours. Bah, on va écouter ton rap maintenant, Frimo. Si, tu veux saluer un peu tout le monde? Tu as entendu, hein? Il y a Islem qui est là avec nous ce soir. Salut, Frimo. C'est son planète rap. Il y a Linda Sherazade, il y a Ami qui vient de nous rejoindre, Kaina Samet, Awa Imani, Aurel San, Dani Sainté. Normal, le franzin. Quel plateau ce soir. Ouais, hein. Allez, c'est parti, Frimo, on t'écoute. Si, si. F-R-I-M-O, style. Clichy sous bois, Montfermeil, eh. Hey, c'est ça, les hommes, hein. Cric, boum, 9-3. Si le rap était une rose, elle aurait des épines. Fini le rap de B.B., je le retire la tétine. Mon rap fait plaisir, y'a voix de l'Afrique qui mouille. Faut que je craille des MC, j'ai le vent qui gargouille. Ton futur gosse dira hostile. Avant maman, si le rap était une femme, elle aurait des amants. Cric, boum, dans le rap français, c'est moi qui prends les dessus. J'suis comme un buisson, j'te pique si tu me poses dessus. J'aurais pas cru qu'il y avait des gens par moi aussi passionnés. Rap tellement sale que Monsieur Prof a démissionné, hey. Appelle-moi le missionnaire, les jaloux en missionnaire. Moi je le son dans des pionneurs, le ghetto mon dictionnaire dans le rap. Je viens commettre un attentat, mais attends, t'as craqué, je suis l'or, t'es le plaqué. Je te commets des gommes dans les cartes, dans les halls, cric, boum, normal. Je suis un cauchemar, les MC dorment mal. Trop, trop hardcore, je pose la manette. MC, quand tu seras chaud, rejoins-moi de ma planète. Les rappeurs se clashent, hey, pour avoir le trône. Pendant que moi, je m'amuse comme à la foire du trône. Cric, boum. Frimo à l'instant en freestyle par téléphone de Clichy sous bois. Merci à toi, Frimo. Y'a pas de soucis, Fred. Rappelle-nous où on peut te suivre, Frimo. Ouais, bah moi pour ceux qui veulent me follow, c'est sur Twitter. Vous tapez FRIMO tiré du bas officiel. Et je fais un gros big up aux Fragiles, Ami et Kaina comme d'habitude. Ouais. Et bonne chance pour Islem pour son merci, album. Merci à toi. On est ensemble, Cric Boom. Eh bah Cric Boom, merci à toi vraiment. Allez la famille. A plus, passe une bonne soirée, merci d'avoir été avec nous en live à l'instant dans l'émission. Islem, tu m'as dit j'ai encore d'autres invités à présenter. Où va s'arrêter cette soirée, j'ai envie de dire. Il y a Derka du JT AGT qui est là. Derka. Il y a Samy Amara. Place, c'est vrai que j'en prends de la place. Bah là, tu te démerdes pour trouver une place. Hein. Mais t'es au milieu, tiens. Vas-y, je me mets là. Voilà. Comment ça va, les amis? Ça va et toi? Hey, tout à l'heure, à la radio, vous avez parlé de Wallen et tout, ça m'a fait un petit pincement et tout. Vous m'avez tué. C'est vrai? Et bref, c'est vrai que je me reconnais un petit peu en Islem. Et elle a ce truc de Wallen quand même. Et Dieu sait que Wallen. Elle a fait du bien à nos cœurs et je pense que Islem, y a de ça là-dedans et même un peu plus même. Tu veux chanter un petit truc de Wallen? Si t'as une nostalgie comme ça. Non, truc. Moi c'est tu veux de l'info, je vais t'en donner. Tu le sais. Qu'on peut toujours retrouver, vas-y, c'est quand le prochain JT AGT? Moi c'est sur Énorme TV que ça se passe, en fait, sur la DSL ou quoi, où taper le JT de Derka, sur Twitter, Derka Pompom, on peut se retrouver. Mais pareil, toutes les semaines? Toutes les semaines, exactement, tous les samedis, 19h40. Et ben, j'ai lancé l'invitation à Islem, si elle veut se déhancher sur un de mes JT. J'ai dit non, il est trop méchant avec moi, je ne veux plus, ça y est. Mais justement, il faut de la méchanceté, vous aimez ça les femmes. Non, pas d'accord. Écoute, Derka, je te laisse te démerder, hein. Moi franchement... En plus, il y en a beaucoup ce soir. Hein. Ah bah là, là, on est en majorité. J'ai bien peur que tu sois séquestré dans une cuisine. Non. En tout cas, j'étais surtout venu pour donner de la force parce que c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et elle mérite vraiment la place où elle est aujourd'hui et on va acheter l'album, même 2, même 3, même 10 même. Ah oui. Tu me fais le pom-pom pour moi. Pom-pom. Aïe, aïe, aïe. Il y a Samy Amara aussi. Bah présente-nous. Voilà, bah Samy Amara, comédien. Mmh. Je le laisse se présenter tout seul. Ouais, bah salut à tous. Hein. Bah, ça va? Ouais, ça va. Bah, c'est Samy Amara, comédien. Bah, je joue mon spectacle en fait au Théâtre des Feux de la Rampe qui s'appelle Liberté, Égalité, Just Do It tous les samedis. Et puis en ce moment là, je passe sur France 2 avec l'émission de Demande qui en rire. Et alors, ça se passe comment? Ça va, ça se passe bien. Pour le moment, ils sont gentils, c'est cool. Après, on verra comment ça se passe. Et puis voilà, on est là pour soutenir la petite sœur, hein, la petite sœur de Villiers-sur-Marne, Islem. Parce que c'est un parce même quartier, ouais, vous êtes le même quartier, c'est ça? Il y a du talent dans le 94, comme elle dit. Je vois. Je pose deux mon quartier, voilà. Et puis voilà, tout et puis avec, bah, en plus, on sera ensemble. Dimanche. Dimanche, on sera ensemble lors du Human Steel Tour le 27 avril. Mmh. Il y aura Linda Sherazade aussi, on va chanter quelques morceaux et faire jury pour un concours chant. C'est où ? C'est à Villiers-sur-Marne. À Villiers-sur-Marne. Pour chant, danse et théâtre. Donc une minute pour convaincre, venez, c'est cadeau. Tout donc simple. Là, Villiers-sur-Marne, dimanche. Voilà, dimanche. En plus, j'ai reçu un tweet de Véronique Genest. Elle a dit elle aime pas ton CD, elle est islamophobe. Ouais, écoute. Je crois que c'est la meilleure pas des promos. Pas mal, pas mal. C'est la meilleure des promos. Maintenant, on va se reconcentrer un petit peu. Ouais. C'est l'heure du Awa. Ouais, toi, oui, t'es concentré. C'est l'heure de la minute. Ah, moi, j'écoute. Hein, la minute je découvre sœur. En même temps les morceaux. Donc. Si tu veux. T'as vu Derka, regarde, moi je jouerais pas trop parce que Awa elle est piquante. Non, Awa, tu dans le ah oui, si tu m'agresses, attention, j'ai des piques. Hein. Ce que t'as dit sur les nanas, tu ferais mieux de le retirer parce que tu vas te prendre un coup de veste. Attention, à 21h01, c'est fini. Je retire, c'est bien. Donc maintenant, attention, concentration, c'est le deuxième morceau de cette trilogie. Exactement. Tout à l'heure, on a écouté le morceau qui s'appelait Oublie-moi. Le deuxième titre, c'est Grande Sœur. C'est un morceau qu'on retrouve sur l'album. Et là, par contre, vous nous le faites en live. C'est pas la version album, c'est la version live dans Planète Rap. Ouais. Vivre ma vie avec la sienne et oublier toute ma rancœur. Là, je me noie dans ma peine. Pourtant, je croyais faire le bon choix. S'il te plaît, grande sœur, aide-moi à tourner la page. Son sourire, ses vidéos, prise de tête stupide, sans oublier les photos. Prends mon cœur en otage. Perturbe ma vie, malgré qu'il soit parti. Tout reste gravé dans mon esprit. Mon cœur veut qu'il revienne, mais ma tête n'en veut pas. Mon cœur me dit que je l'aime, mais mon esprit en a marre. Marre, c'est je t'aime, chuchoter dans l'oreille chaque soir. Marre, marre, issue mensongère. Mauvaise foi, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur restent en total désaccord. Marre, de perdre tous mes repères. Si je suis ma tête, mon cœur se noie dans le remords. Issue mensongère. Soit je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur essaient de trouver un accord. Là, j'ai peur de réellement le perdre. J'ai peur. Maintenant c'est fini, je le sais. Il ne va plus revenir. Que faire de ma vie s'il me jette? Je n'ai plus de raison de vivre. Mais avant lui, je l'ai fait. J'ai dit oublie-moi, oublie tout. Conséquence en suivre. Je découvre la pire facette de la petite sœur. Tu fais les mêmes erreurs que moi. Viens pas ton temps, ne laisse pas ça passer. Même ça tu ne le vois pas. Tu vas tout donner. Tu vas tout miser sur lui. Mais tu ne le voyais même pas. Regarde, il n'est pas là. Issue mensongère, mauvaise foi, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur restent en total désaccord. Là, j'ai peur de perdre tous mes repères. Si je suis ma tête, mon cœur se noie dans le remords. Issue mensongère, un trompe-l'œil, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur essaient de trouver un accord. Là, j'ai peur de réellement le perdre. J'ai peur, ouais, j'ai peur. Il faut que tu vives pour le meilleur et pour le pire. Sans pour autant attendre cet homme qui te fait souffrir. Mais il reviendra, crois-moi, et ça, plus vite que tu ne le crois. Regarde-moi, j'ai pris le temps de prendre mon temps pour faire mon choix. Des larmes j'en ai versé souvent. Je veux de ce qu'il y a de mieux pour toi. Islam, cette fois-ci, écoute-moi. Laisse-moi, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur restent en total désaccord. Là, j'ai peur de perdre tous mes repères. Si je suis ma tête, mon cœur se noie dans le remords. Et sous mon songeur, un trompe, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur essaient de trouver un accord. Là, j'ai peur de réellement le perdre. J'ai peur, ouais, j'ai peur. Deuxième morceau de cette trilogie, le morceau Grande Sœur à l'instant en live. Terrible, hein. Merci Awa. Bah, merci à toi. Je frissonne quand j'entends sa voix, c'est un truc, c'est vraiment. C'est notre premier live, live en plus. Ah, vous l'avez pas fait, ouais, vous l'avez. Non, on l'avait jamais encore fait, du coup ça va propre. Ça glisse bien. Hein. Terrible ce morceau, donc on retrouve sur l'album de Islem Moussa Noumen. Tout à fait. Le morceau s'appelle Grande Sœur. On va écouter maintenant, et avant de passer au live final avec vous aussi, le troisième et dernier titre de la trilogie. Tu veux dire un mot sur celui-ci, sur Qu'une histoire, bah disons histoire, que c'est la troisième étape, c'est la fin, on oublie le mec, ça y est, il est fini, il est parti. J'ai bien conseillé, hein, voilà. Ouais, ouais, là, elle a vraiment fait la bœuf. Derka, qu'est-ce qu'il y a une réaction? Non, je demandais s'il n'y avait pas un petit espoir de le récupérer. Non, je veux pas, la grande sœur ne veut pas. Non, elle le dit d'ailleurs, Islem, cette fois-ci, écoute-moi, c'est pas la première fois qu'elle me parle. Exactement. Coup, ouais. Non. Allez, on écoute ce morceau maintenant et puis juste après on finit avec le live avec les filles avec nous ce soir dans le studio entre 20 et 21. Album d'Islem dans les bacs depuis lundi. Y'a tous ces livres entassés, j'ai pas pris la peine d'ouvrir, toujours personne en face, mais c'est à mon fun que je souris, puis je me noie dans mes pensées, je me demande qui j'étais. Tourner la page, mais c'est lui, ton histoire me dément, puis j'essaierai à l'avenir de ne plus goûter aux fruits de ta paix. L'histoire est écrite, telle la la, plus d'un an, il me suffirait d'un sourire, pouvoir dissimuler toute ma haine. C'était notre quand même, le temps fera passer mon chagrin, j'irai me forcer la main, car malgré ma peine, j'y arriverai quand même. C'était notre histoire, du rêve au cauchemar, c'est peut-être ton image qui m'empêche de tourner la page. C'était qu'une histoire, ton image, j'arriverai à tourner la page, tourner la page, tourner la page, tourner la page, la page. C'est extrait d'album Moussa Noumen, l'album d'Islem et le morceau Qu'une histoire à l'instant pour conclure cette trilogie. Exactement. Il est magnifique un ce morceau. Un super beau morceau, ouais. Merci. On était là avec Kaïban. Non, mais le morceau, il est génial. Il est ad-lib dans nos têtes. Mais, exactement. Et ben, vous allez le retrouver sur l'album, les filles. Ouais. Moussa Noumen. Ah, ouais. C'est dans les bacs. Et maintenant, si vous voulez bien, pour conclure ce Planète Rap, Session live avec vous. Session live avec toutes les nanas. On va et faire les mecs, moi, en réel, non? Ouais, je t'ai oublié, mon pauvre Aurel, je suis désolé, j'étais avec les filles. Je suis là, j'écoute, c'est beau. Il commence à être scred, lui aussi. C'est gracieux. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que c'était scred. Ouais, carrément. Une sorte de mimétisme, pas, un truc. Je vais pas venir gâcher tout ça. Je laisse. Tu les laisses chanter? Ouais, je laisse ça à des personnes qui ont des belles voix. Bon, toi, la tienne est pas mal aussi. Allez, on écoute maintenant, session live dans Planète Rap. Tout de suite. Avec des filles? Ouais. C'est parti. Ok, je suis posée, reposée, je m'arrête sur personne. Bref, partez, j'ai le son qui cartonne. Rien ne sert de nier, je vois bien que tu frissonnes au son de nos voix qui résonnent. Et ouais, j'ai osé, je le fais, je nous place au summum. D'un cas contraire, qu'il fera pour moi. J'entends parler, Islam la patronne, mais j'ai pas encore quitté mon bloc. Bienvenue dans le délire, je te présente ma vie. Entre peine et rêve, y'a que l'interdit qui m'attire. L'horizon m'appelle, je crois que bientôt je me tire. Afin d'éviter le pire. Et j'ai voté à la mer pour répondre à mes désirs. Canaliser mon cœur tel un explosif. Souvent testé, j'assiste à des scènes tragiques. C'est à mes risques et périls, c'est à mes risques et périls. Mais tout est bien plus cool quand tu me tends l'oreille, tout paraît moins flou. J'oublie mes problèmes et d'un coup tout s'écroule. Tu m'écoutes, je le dis sans détour. Je t'expose ma vie et tout ce qui l'entoure. Oublie tes soucis et viens donc faire un tour. Vas-y, écoute. Yeah, yeah. Déplacer les montagnes, toujours être forte. Sous la boussole de mon destin, j'ai failli perdre le nord. J'ai retrouvé le sourire en fouillant dans mes poches. J'ai vu le monde changer d'époque et de fusil d'épaule. Dans mon paradis, je m'imagine un palais. Une autre vie qui m'enlèverait l'envie de m'en aller. J'ai choisi de tout dire et d'assumer mes fautes. Les coups du sort m'ont fait grandir, j'ai trop courbé le dos. J'ai trop courbé le dos. Du temps qu'il me reste à vivre, c'est pas encore moment de faire mes valises. Je lâcherai rien avant d'avoir réussi. Moi, je suis pas prête à perdre la partie. Non, non. Pourquoi tu flippes? Ne sois pas triste, rien n'est fini. Oh, rien qui me freine. Comme il sait, on verra où ça me mène. Débarque sur la planète rap, mais moi je suis pas de votre planète. Parfois envie de tout plaquer, demande à Kaina Samet. J'arrive fraîche, toujours OP pour ma go Islam. Quand je rappe, ferme ta bouche, négro dit Islam. C'est pour mes sœurs qui font les bombes, parce que c'est des bombes. Les brunes, les blondes, regard à fusil à pompe. C'est pour ça qu'ils pètent les plombs quand leurs mecs sont aux assises. Font des régimes et veulent pas perdre un petit kilo d'achis. Marquez l'époque, cassez les codes, pété, pété, pété, pété les scores. Comme Lil Kim et Kim ici, j'ai pété, pété, pété, pété le scrum. Oui, on a trimé, souvent sous-estimé. Pas ces michetos matérialistes qui savent même pas cuisiner. Chez nous, la rage est innée, je pilote ma destinée. Vêtu de mes principes, j'ai du mal à me déshabiller. Non, t'es pas un gangsta, chérie, t'es juste instable. Reste un mignon garçon, on se follow sur Insta. Et c'est bien plus cool quand tu entends l'oreille, tout paraît moins flou. J'oublie nos problèmes et d'un coup tout s'écroule. Quand tu m'écoutes. Ce qui l'entoure, oublie tes soucis et viens donc faire un tour. Vas-y, écoute. Hey. Écoute, écoute. Vas-y, écoute. C'est Islam, écoute. C'est Skyrock. Vas-y, écoute. Vas-y, écoute. Vas-y, écoute. Vas-y, écoute. Islam, Islam. Dans Planète Rap à l'instant en live dans l'émission avec Linda, avec Ami, avec Kaina, avec Awa et avec Islam. Ça m'en fait beaucoup, okay. Vraiment vachement fait plaisir. D'habitude on entend des freestyles de mecs. Ils kiffent tout pas nous, si les meufs on est là, on là, s'est chanté, on s'est piqué. Et voilà, respect à vous, franchement c'était lourd. Merci à vous. Par contre moi je vais quand même dire un petit mot sur Slam. J'ai eu l'occasion d'écouter son album lors de la soirée de Elder. Ouais. Lors d'une petite soirée, et puis j'ai tout de suite accroché. Je lui ai dit que c'était archi lourd. Et voilà, je la soutiens de fou malade. Et, merci. C'est ma petite fraise, même si elle met de l'huile d'olive dans ses yaourts nature. Oh là là là là. Ah, le dossier. Non, mais c'est pas grave, on n'est pas venu. Continue, Linda, continue. Ça n'est pas grave. Ouais. Je suis transienne, on met de l'huile d'olive partout, mais quand même pas dans les yaourts de fraise. Tranquille. C'est vrai que. Non, c'est archi lourd et ça se partout. T'as mal aux dents, prends de l'huile d'olive. Ouais. T'as la peau sèche, mets de l'huile d'olive. T'as les cheveux cassés, mets de l'huile d'olive. Allez, ça y est, on est parti sur les conseils beauté. Voilà, ouais. Petit voilà, conseil. Ah, voilà, la bois de l'huile d'olive. Non, quand même. Et voilà, non, je la soutiens de fou malade. Je la kiffe. Merci. Humainement, c'est un fruit. C'est trop beau. C'est un fruit. Bon, merci écoute, beaucoup. C'est mignon comme toi. Linda aussi, on te souhaite bon courage parce que toi, ça va arriver aussi cette année, ouais, ou en 2014. Arriver, là, c'est bon, il y a 90% de l'album qui est là. On peaufine, on passe au prochain. Il reste 10% à finir. Voilà. C'est qui parfois peuvent être les plus longs aussi. Ouais, c'est ça. D'abord, Islem, je te regarde parce que c'est vrai que parfois, voilà, ça peut paraître long, ouais, la sortie d'un album. C'est long, moi je la comprends. Ouais. Il y a des moments où on est impatient et d'autres, on se dit Dieu merci, j'ai eu le temps de pouvoir peaufiner le truc et tout, parce que parfois on est vraiment pressé. Heureusement qu'on a une équipe autour qui garde la tête sur les épaules. Et ben merci Linda d'être passée. Ami, on attend au mois de juin aussi. Juin, il y a Nikita qui sort sa EP digital 6 titres. Donc mercredi prochain, je balance un son avec un remix avec 6 rappeurs. Je garde la surprise. Ouais. Et voilà, et puis mon album est en cours. Kaina, elle a écouté. Ouais. C'est voilà, bon. C'est très ouvert. C'est notre ami. Plutôt dans la deuxième partie de 2014, à la rentrée. Ah oui, non, ce sera plutôt 2015 l'album, mais l'EP, le Nikita. Ben d'ailleurs, il y a un feat avec Hawaii Mani qui retrace mon histoire. Ah. Qui s'appelle Born to Kill. Et puis voilà, c'est l'EP, c'est le 9 juin. Une 9 juin. Sur iTunes. Voilà. Et il s'appellera Nikita. Exactement. Et ben merci d'être passé ce soir, ami. Merci à Islem. Gros Kaina, on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt. La sortie de l'album le 16 juin, il s'appelle Thug Wife. On a déjà envoyé No Money et Bousillé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez chercher ça. Et je voulais dire qu'ici, autour de la table, je crois qu'on est tous des passionnés. Donc quand on est passionné, on a la patience. Et voilà, on est toutes ici motivées, on est créatives. Et voilà, je pense que ça me fait plaisir d'être là. Et voilà. Eh ben merci d'être venu en tout cas. Merci. Je tiens à mettre un petit rappel. Vas-y. Retrouvez-nous, n'oubliez pas, le 27 avril au Human Steel Tour. On sera avec Linda, Dani Sainté, il y aura toute l'équipe. Donc voilà, n'hésitez pas, venez prouver, venez montrer vos talents et puis une minute pour convaincre, tout simplement. Eh ben merci à Wa aussi d'être passé. On retrouve Night in Paris là. Oui, Night in Paris en téléchargement légal. Et donc là, je suis en train de préparer mon album aussi. Donc je suis en train de le finir, enfin. Enfin. Donc restez connectés. Et pour l'instant, je vous ai offert le clip Night in Paris. Voilà. On peut aller cliquer. Merci d'être passé aussi. Merci. Ouais. Même me suivre sur Twitter, @awaymanimusic. Ah ouais, sur Facebook. Aussi, faut dire. Awaymani, page fan, c'est quelqu'un. Allez cliquer. Merci Orelsan d'être passé. Orelsan qui bosse avec Gringe pour la tournée Casseur Flotteur là. Tournée avec Gringe, on fait une vingtaine de festivals. Donc super content d'être là. Et ben pareil. Pour toutes les filles qui écoutent, ça manque de filles dans le rap et ça me fait plaisir d'avoir assisté à, je sais pas. Tiens, et d'ailleurs freestyle de meuf peut-être de l'histoire de. Bah ouais, comme ça aussi nombreuses, ouais, c'est vrai que. Ah ouais. Bah, moi j'ai kiffé. Cool. Alors rapper, chanter, filles. Ouais. Tiens, bah tu m'as donné aussi la réponse, comment t'as pas entendu malheureusement Orelsan beaucoup ce soir. Ouais. Quel est le nom de votre label? 7ème Magnitude. 7 Magnitude. Ablai et Scred, c'est pour ceux qui sont en anglais. De Caen avec des artistes de Villiers et de Caen. Une liaison 14-9-4, quoi. Ouais, 14-9-4. 1-4-9-4. 1-4-9-4. Merci en tout cas vraiment d'être passé, Aurel. Merci à Derka qui était là. Merci à Dani Santé, à Scred qui était dans le coin. Si. Et juste avant de ceux qui t'ont fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Viens gagner ton iPad mini, plus ta compil Planet Rap 2014. Salut Elena Darboin. Ouais, salut. Ça va Elena, prête à faire tourner la roulette? Ouais, peut-être. Allez, tu viens conclure l'émission, conclure Planet Rap ce soir. Dès que tu veux, tu dis stop. C'est parti, ça tourne, ça roule. Stop. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, la totale, copie le Planet Rap, la clé USB collector, c'est pour toi. On t'envoie tout ça du côté du 59. Super. Bisous Elena. Bisous. Bisous et merci à vous les filles. Merci à Orelsan, merci à Dany Sainté, à tout le monde. Merci. On se retrouve demain. Merci, à demain. Juste avant 20h. Repose-toi bien, je veux que tu aies la pêche. Bah ça allait pas, soit. Non, mais tu m'as dit que t'étais un peu fatigué et que demain tu seras plus. C'est pour ça. Ça se sentait pas, ça va. T'inquiète un petit peu, tu vois. Non, t'inquiète pas. Prends l'huile d'olive, ça va. Ouais, je vais me faire une bonne cure d'huile d'olive ce soir, tu vas voir. Demain, je vais être pressé. Allez, c'est parti, on se retrouve demain entre 20 et 21. Et bah là, il est grand temps de retrouver Difool juste après la pub sur Skyrock. Un iPad mini.